Et tu m'entends ma voix aussi? Allô? Quel con de pas lui avoir demandé son numéro. Allez, allez. Allez, boobs qu'elle a. Enfin non, elle avait pas tant des gros boobs, mais. Je t'entends pas, hein. Ah, là, je t'entends. Voilà. Là, je t'entends bien en écho, c'est Oui. nickel. Ok, Ah, hop. ça arrive. Ouais, il y a. La dernière fois que je suis venu chez toi à Gare du Nord aussi, il y en a une qui m'a accompagné à Max Ouais, Dormoz. ça va aller, ça va Top. aller. Alors attends, je débranche la guitare parce qu'elle sert à rien. Hop. Bah, à la Puis limite, couper si quoi? l'écho t'emmerde, on se cale sur Skype et en parallèle, on est sur Ninja pour le son. Ah oui, c'est vrai que ça va être chiant, oui. Si t'arrives pas à le trouver. Attends, je vais chercher avec toi. C'était marrant quand même, hein? Mais je trouve toujours pas comment couper ce putain de métronome, ça va être relou, ça. Le métronome du Ninja. Param, param, param. Où est-ce que c'est? Alors, show réa console, ok. Ah, c'était hyper top. Ça sent les haricots verts à l'ail, là, ça me fait envie. Pourtant, je suis pas trop haricots verts. Ah voilà, alors. Je l'ai là. Je le mets à 0%. Alors comment te donner un point de repère? Est-ce que tu vois quand tu tabules à un moment, t'as un truc qui dit astérisque, astérisque, astérisque? Disconnected, enfin en fait le truc de chat quoi. Ok. Alors là tu mash tab deux fois et le pourcentage que tu as c'est celui qui sert à régler le métronome. Ouais. Ouais, j'y suis, ouais. Voilà. Ah, c'est génial ce truc. Mon sauveur. Vas-y, vas-y, de toute façon, on n'est pas vu le temps qu'on a passé C'est à pas bon. faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. Ah putain, le calme est revenu. Oh merde. Je me prends juste Ah ouais, une là, petite franchement, clope, histoire de... un peu de cold wave. Non, positivement étonné. Mais de toute façon, les utilisateurs de Reaper, c'est des bons gars. Histoire de Ce qui est souffler marrant, c'est après que c'était cette des valse Français. endiablée. Ah bah les Ouais. mecs éclectiques quoi. Du blues, du funk, de la valse. Ben non, c'est ça qui m'étonne, c'est qu'il faisait pas de commentaires sur ce qu'on disait. Et pourtant, nous, toi et moi, on s'entendait, donc il devait nous entendre. Bah, franchement, ouais, ce qui est marrant, c'est que c'est des Français un dimanche soir. Ouais, mais normalement, même un micro, il doit passer, même avec du délai, avec 4 Mais temps de j'ai pas vu s'il différence, ou je faisait des sais pas, commentaires 4 sur ce qu'on mesures, disait 4 temps de intempestivement. différence, ou 8 ans, mais. Normalement, il devrait passer, même avec du retard. Ah mais pas Je forcément parce pense. que eux ils étaient peut-être pas en session vocale. Ouais, mais ce que je te dis, je pense que même en nous voice chat et eux. Ah mais attends ça. Ah! Ah oui! Ah oui, ça se trouve, en fait, comme ils étaient pas en voice chat, ils nous Ça se entendaient trouve, ils pas nous du entendaient tout en pas du fait. tout. parce que eux ils étaient en Reaper normal et nous on était en session vocale, donc on les entendait mais eux Ah, ils nous c'est entendaient pas. possible, mais y compris nos instruments, peut-être qu'ils les entendaient pas. Je me demande. Je sais pas, du coup, là j'ai un doute. Ça se trouve. Non, pourtant j'avais l'impression qu'il réagissait. Ouais. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Puis ça serait bizarre que... Ouais, quoi que je sais pas. Que nous, dans l'autre sens, on les entende quand même. Bah, moi aussi, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il réagissait à certains trucs, le bassiste. Peut-être qu'ils étaient très stoïques. Bah non, ça c'est pas possible. Bon. Alors, guitare. Hop, je supprime cette piste. Je sais pas, peut-être qu'ils nous entendaient, peut-être Quoi? qu'ils ont baissé notre piste. Ah oui. Alors, check. J'hésite à me prendre une petite bière, mais c'est pas raisonnable. C'est En pas résultat, moi raisonnable. j'ai mis 12 000 pistes pour switcher On va faire d'instrument. 100. Moi j'ai mis 12 000 pistes pour switcher d'instrument en fait. Bon! Oula, ça sature là. Ouais. Take ton time. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt sympa. Ouais, Carrément, carrément. exactement. C'est exactement la réflexion que je me suis fait aussi. C'est que, en fait, bah, au pire, si tu te chies, y a personne pour te dire, hé, hey, enculé! Mais c'était marrant, je vais y passer plus souvent, au cas où je retombe sur des Ouais, non, gens c'était cool. bien. Je suis Bah, exactement ça peut me le même permettre sentiment que toi, d'improviser c'est en et encore décomplexant. toi t'es pas le plus mauvais, tu vois. Donc moi vraiment j'ai pas d'habitude de ça, donc c'est encore mieux je dirais pour les grands débutants quoi. Ouais, ça va, ils se débrouillaient bien.